nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est un temps et un espace mythiques qui sont mis en scène dans la création sonore que vous allez entendre dans un instant. Le temps mythique, c'est le temps du rêve des aborigènes australiens, une notion centrale dans leur culture qui désigne l'époque légendaire de la création du monde. Un temps étiré à l'infini et dont il resterait des traces dans notre réalité. L'espace mythique, c'est le désert australien qui devient ici un lieu de réalisation de toutes les chimères, de toutes les rêveries, de toutes les créations de l'esprit. Une œuvre radiophonique en forme de réflexion croisée, donc, sur les dimensions de notre réalité, le temps et l'espace, qui interroge la notion même de création. Toute œuvre de l'esprit ne contient-elle pas en elle une part de folie ? The Dreaming, The Desert, c'est le nom en anglais de cette création sonore, signée de la productrice australienne Kay Mortley et diffusée dans les ateliers de création radiophonique de France Culture en 1984. ACR, Atelier de création radiophonique. The Dreaming, The Desert, par Kay Mortley. Tentative de reconstitution de rêve, autour d'eux, en Australie. The Dreaming, installation vidéo. Blues for Jake, performance pour clarinette et voix. Texte. Lee Hobb, Tasmanie, Paris. Fragment d'un journal anonyme. Anne et Patrick Poirier, Paris. Lee Hobb, Anne et Patrick Poirier. Hazel Carr, René Farabé, Jean-Louis Jacopin, Claude Royer-Journeau. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Michel Créis, Claude Rossi, Yvette Tuchban, Viviane Van den Broek. The Dreaming, The Desert. Le rêve. C'était un mélange de beaucoup de choses. Dreaming very directly dealt with that in its initial stages. Setting up a recorder to play back the last hour before I went to bed and moved into unconscious time. And with a tape recorder above my bed, I was recording my responses to my earlier action. Au début, il y a eu l'enregistrement de la dernière heure, avant que je me couche, avant que je rentre dans un temps inconscient. Puis, un autre magnétophone au-dessus de mon lit s'est mis en marche plus tard. Il a enregistré mes réactions à la première bande. Est-ce que vous connaissez la notion aborigène du temps du rêve? Vous savez, le temps du rêve, c'est le temps mythique. Vous, mm-hmm. vous ne connaissez pas? Non. Qui s'appelle the dreaming, mm-hmm. en anglais. Oui, oui. Je crois que c'est le présent et le passé. C'est une notion du temps. Mm-hmm. Oui. The dreaming. Locution australienne signifiant le temps du rêve des aborigènes. Temps où le monde fut rêvé, créé. Temps infini qui exclut la notion de durée. Doesn't have a direct connection to any concepts of Aboriginal dream time. Le titre rêve n'a rien à voir avec le concept du rêve que l'on trouve chez les aborigènes. That things have an infinite past, and pour eux, ça veut dire que tout vient d'un passé infini. There was a time when the world was dreamed. Qu'il y a eu un temps où le monde fut rêvé. Things come from the dreaming, the great dreaming. C'était un mélange de beaucoup de choses. D'abord, les oiseaux. Oiseaux. Cela avait plutôt à voir avec la réécoute que je faisais de la bande de temps conscient que j'avais enregistrée. Primarily, the title of the dreaming was concerned with this replay of the last 45 minutes or so of conscious time. To affect my sleep state. So quite literally the dreaming title is more concerned with that idea than the juxtaposition of realities. J'étais quelqu'un de différent quand je dormais. D'où littéralement le titre, rêve. Et le désir de geler un paysage. Mais le désir de geler un paysage figé, éphémère, était la première pensée. Actually, recall my dreams very easily. Very rarely do I recall dreams. I don't analyze dreams. Je pense que le rêve doit être une sorte de soupape de sécurité. I wanted to create an overall impressionistic texture. Je voulais créer une impression, une présence. Plus qu'autre chose. Fixant l'attention, mais pas forcément au détail, avec des chemins qui partent dans différents sens. On se promène par-ci, par-là, mais toujours attaché au corps central. I said a core of perception, yes. De perception. A fundamental tone, there'll be a fundamental resonance, a fundamental feeling, that's the core. With side trips. À une résonance. Mais le désir de geler un paysage figé, éphémère, était la première pensée. Et le désir de geler un paysage. Sac à dos de poids moyen. Sac à dos. Neige poudreuse. Neige. Bottes. De nouveaux paysages se déroulant à son rythme. Nouveaux paysages. La dernière fois, un store vénitien dans le désert. Puis, la nuit. Et la volonté de fractionner l'immensité du paysage. Et d'autres choses encore. Et autre chose encore. J'imagine un pays que je ne connais absolument pas à partir d'images. C'est l'image d'un vide au fond, d'un vide, et en même temps c'est l'image d'une couleur, parce que on imagine un désert rouge, uniformément rouge, et c'est vraiment le désert le plus vide qu'on puisse imaginer. C'est l'idée de l'utopie, finalement, c'est le désert, c'est le lieu où est possible l'utopie, parce que l'histoire en est absente, c'est le lieu de l'immobilité, du silence, de la solitude. The desert. Mot rarement utilisé par les Australiens pour parler de leur propre désert. Ils diraient plutôt le centre, le cœur mort. Harvard, 1980. En consultant le fichier des auteurs anonymes de la bibliothèque de B, pour des raisons n'ayant pas d'incidence avec ce qui va suivre, nous avons trouvé au chapitre désert un manuscrit en anglais qui comportait de nombreux plans et croquis mélangés au texte. Il s'agit apparemment d'un journal, mais les indications de date ou de lieu ont été, il semble, volontairement occultées. Cooper Creek, Tuesday, November 25th. À 5 km au nord, dans le désert, surgiront soudain les ruines d'une immense cité. Cette cité, bâtie par un architecte dont l'identité restera encore inconnue et dont la légende voudra qu'il soit venu de la mer, aura été déserté brusquement par ses habitants, fuyant devant un péril inconnu. Dans le vaste désert rouge qui va du rivage de l'océan au premier contrefort rocheux des montagnes du Nord, à perte de vue, des murs rectilignes géants enfermeront cette grande cité, elle aussi parfaitement rectiligne et semblable à de grandes murailles. Le sol évoquera un rouge paysage lunaire. Ce qu'il restera de la ville retournera lentement au désert. Abandonnée, incendiée peut-être par ses ultimes défenseurs, elle achèvera de se désagréger sous l'effet des vents de sable, du soleil et de la pluie, pourtant presque inconnus dans ces régions. Et les pilleurs de tombes qui se succéderont au cours des siècles continueront les saccages de l'histoire et du temps. Cooper Creek, Mercredi 26 novembre. Cooper Creek, Wednesday, November 26th. La ville aura été autrefois un port de haute mer, dont l'architecture particulière forçait l'étonnement. Elle était alors construite sur une étendue d'eau lisse, reliée à l'océan proche. Une sorte de lagune abritait des vents. Ville-île, émergeant de l'eau calme, comme un grand navire mouillant dans un port, prêt à larguer ses amarres et à partir dans un grand glissement silencieux. Mais les bassins se sont asséchés. De toutes parts, le sable enserre les murailles. Le port ressemble aujourd'hui à la ruine d'un bâtiment immense dans un désert lointain. Marcher parmi des cacatoès noirs. C'était un mélange de beaucoup de choses. D'abord, les oiseaux. It was a mix of many things. The Karawongs. But how to freeze the static, transient landscape in a temporal mode was really the first thought. Mais le désir de geler un paysage figé, éphémère, sur un mode temporel était la première pensée. The last time, a Venetian blind in the wilderness, some desire to petition or perhaps focus the largeness of the landscape, other reasons also, walking in pain to walk off the pain. The whole thing passes at a human pace. La dernière fois. Un store vénitien dans le désert. et la volonté de fractionner l'immensité du paysage. Et autre chose encore. Marcher dans la douleur pour se débarrasser de la douleur. Le tout se fait à une cadence humaine. View into the amphitheater at the back of the house was full of silence and some foreboding. Late night walks feeling the edge of secure experience. Walk to the boundary, always testing, and then retreat to lock the gate. Vue de dos dans l'amphithéâtre derrière la maison pleine de silence et d'angoisse. Promène-toi tard la nuit, jusqu'au bord de la sécurité. Va jusqu'à la frontière. Toujours à tâtons. Et va-t'en. Et ferme la porte. She's been far away most of the time. Not from my thoughts, necessarily. I was trying for another thing. Walking to focus my thoughts through the exertion of the body. Black cockatoos is the only time my father and I had a chance to share unrestricted space. He with a broken knee. Me, the tape recorder, always focusing purpose for such things. Elle était loin la plupart du temps. Pas forcément de mes pensées. Je désirais autre chose. Marcher pour focaliser mes pensées. Parmi les cacatoès au corps noir. La seule fois que mon père et moi avions une possibilité de partager quelque chose dans un espace illimité. Lui, genou brisé. Moi, le magnétophone prêt à saisir un tel événement. To rid the land of the devil, the practice is to bury an iron tank in the ground and hang a freshly killed lamb as bait from the middle. The devils hang and gorge until they drop to the bottom. Hunger turns themselves upon each other finally. Not much of a place. However, I enjoy the experience and look forward to returning someday. It'll be different as returns always are. Là où je vivais, la coutume locale était, pour se débarrasser du diable, d'enterrer un grand réservoir et de suspendre au milieu comme appât un agneau juste tué. Les diables s'y accrochent et dévorent jusqu'à ce qu'ils tombent au fond. La faim les jetant finalement les uns sur les autres. C'est un lieu banal, pourtant il m'a plu. Je voudrais bien y revenir un jour. Ce sera différent, comme tous les retours. I've had quite an interesting relationship with my tape recorder recently. Marcher. But it happened when I first left the situation I was living in Australia, where I suddenly came to Europe. Ça a commencé quand j'ai quitté l'Australie pour venir en Europe. I had no context to relate to at all. Je ne parlais pas la langue. No social or political context. I was gleaning whatever information I had. I couldn't enter the culture because I couldn't speak the language. So I was an observer. So to replace the context. Pour remplacer le contexte, j'ai commencé à explorer ce que j'ai appelé une bulle de perception. Perceptual bubble. So I had to start to trust the information that I was perceiving. Again, it's this time that I developed a particular recording technique. J'ai commencé à me servir de mon magnétophone d'une certaine façon, comme un ordinateur qui stockerait des informations que je pourrais analyser plus tard. I just returned from Africa and the experience with the Samburu dancers. J'étais allé en Afrique où j'avais vu des danseurs Samburu en état de transe. En rentrant, j'écoutais l'enregistrement que j'en avais fait. While sitting on the Paris metro. Un jour, quand j'étais dans le métro à Paris. Et mélanger cette expérience du passé récent avec le présent me faisait un peu l'effet d'un plus un égale un. One and one, makes a new experience. Quand je suis retourné en Australie, j'ai rencontré un ami. Il faisait partie d'un groupe qui laisse leur magnétophone. Pretty well all the time. Ils sont à l'écoute de ce qu'ils appellent des ultra-voix. Ultra-voices that visit the tape recorders, you know what I mean? Des voix qui viennent rendre visite au magnétophone. On sait quand elles sont là. Elles font des sons audibles. Ces gens laissent tourner leur magnétophone pendant des jours et des jours. Days and days and days, just forever. À tout jamais. Et moi, je faisais quelque chose un peu comme ça. Donc je laissais tourner le magnéto pendant que je dormais, voir ce qui se passait. So I refined this process and thought about it quite a lot. Revenons en arrière. Je vivais dans un appartement en haut d'un immeuble, au sommet d'une montagne. Je laissais tourner une bande Time loop. Sur un magnétophone, alors que moi, je partais enregistrer dans la rue avec un autre magnétophone. And I'd walk away, out of the apartment, down the street, carrying a tape recorder. En rentrant, j'écoutais les deux bandes ensemble. Je voulais explorer l'idée de deux événements synchronisés. Synchronous events. C'est-à-dire que quand j'avais quitté l'appartement, une partie de moi y vivait encore. Je suis allé plus loin. There also developed another extension of this, which was a character. J'ai inventé un personnage. Essentially me. Jake. Jake was the character that developed first and developed most strongly. I heard him moving about and je l'ai entendu se promener walking around in the garden. Un matin, au jardin. En réalité, c'était moi. Person or write to this person, sort of saying, you know, like, why don't we get together sometime, and you know, maybe that's worthwhile. Or we've got something to offer to each other. J'ai commencé à lui écrire, à lui dire, on devrait se voir un jour. On aurait peut-être des choses à se dire. And it's not like really schizophrenia or talking to yourself. It's some way to set up a process to get to know yourself better. Ce n'est pas de la schizophrénie ou se parler à soi-même. C'est plutôt une certaine façon de se mieux connaître. La réalité est là où on la trouve. But I think I'm fairly blasé about concepts of reality. I do have a talk to Jake about it every now and then, when things get a little out of hand. J'en discute avec Jake de temps à autre, quand rien ne va plus. Though he's not reality, maybe it's Jake talking to me, really. Mais lui, ce n'est pas la réalité non plus. Et encore, peut-être que c'est Jake en train de me parler à moi. Jack regarde autour de lui. For anything but the disbelief. Sa seule inquiétude étant son incrédulité devant le fait que ceci puisse lui arriver. There is no choice. Pas d'autre choix but to go back to the que de retourner à la première idée implantée il y a si longtemps qu'elle ressemble à un mariage malheureux. He longs for the happy ending. Il attend le happy ending. The room reflects la chambre reflète son désarroi et des fragments de rêves. Ses idées amassent de la poussière, pourtant il n'est pas sans espoir. La chambre reflète son désarroi, pourtant il n'est pas sans espoir. Réfléchis une seconde, marche de long en large dans la pièce et tente ta chance. Il existe peu d'options qui ne donneront pas lieu à un tangent sans fin. Des poids de plomb attachent ses pieds au plancher, parcourant cette course d'obstacles, qui est le chemin qui se faufile parmi ses idées. Entre les zones, il cherche à s'évader, mais ce n'est pas possible. Celle-ci est la seule façon de passer les heures entre l'ouverture et la fermeture. Il y a tant de séquences entre lui et sa réalité. Le temps passe lentement. Le temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau. Le temps qu'il faut pour changer le programme. Le temps passe lentement. Le temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau. Le temps qu'il faut pour changer de programme. Voilà deux choses qui sont constantes. Ceci plus cela égale tout ça, là, au coin. Étonnant ce qu'un petit changement peut faire. Vaut vraiment des vacances. Le travail n'était pas une chose dont Jake avait peur. Il avait l'impression d'avoir travaillé très dur. C'est vrai, je demandais. Yes, he replied, rubbing sleep out of his eyes en route to douse his head with cold water. Oui, a-t-il répondu, en se frottant les yeux pleins de sommeil et en s'en allant se laver le visage à l'eau froide. Ce devait être un sage qui disait que plus on dormait, moins il y avait de choses qui manquaient. Pensa Jack qui, à 34 ans, en avait un peu marre du schéma sommeil-réveil qui le poursuivait depuis sa naissance. En rêve, je marche avec toi. En rêve, je parle avec toi. En rêve, je suis avec toi tout le temps, mais seulement en rêve. En rêve, je marche avec toi. En rêve, je parle avec toi. En rêve, je suis avec toi tout le temps, mais seulement en rêve. For never have I seen such for long purpose without aim. And I follow his progress across the room, heading for the fresh air. One breath, fresh, one show, seven expel. Life resumes the familiar pattern. He should be back soon enough. In dreams I walk with you. In dreams I talk with you. I should join him. In dreams I'm with you all of the time, but only in dreams. Oh, yeah, yeah, so what? See to A without B, leave A, go to C, return with B, set to this is really bad. C'est-à-dire aussi qu'on a deux rêves, nous, parce que c'est-à-dire qu'on est deux personnes, donc. Ce texte, dans sa forme, dans sa construction, fonctionne un peu. Comme un rêve, enfin, il y a ce glissement qu'on trouve dans les rêves. On n'est pas toujours sûr de là où on se trouve, oui. De l'endroit où on se trouve. Oui. Cooper Creek, jeudi 27 novembre. Je pense que Cooper Creek, c'est un endroit complètement perdu dans le désert et où il ne sera absolument pas possible d'imaginer une quelconque architecture ou une quelconque existence durable. Donc c'est juste un nom qui nous a plu comme ça. Et puis aussi, on a besoin de, justement, de, pour un peu rêver, on a besoin de certains noms. Dans tous nos travaux, ça a toujours été comme ça. Donc, Cooper Creek, c'était quelque chose comme ça qui faisait un peu rêver. Au milieu du désert. Parce que Creek, chez nous, c'est au bord de la mer. Donc, c'est un espèce de rapport bizarre, comme ça, d'imaginer au milieu du désert. Cooper Creek. Thursday, November 27th. Et peut-être en effet dans 30 ou 40 ans, au cours de circonstances qu'il m'est encore difficile de prévoir, un inconnu découvrira mes notes anarchiques ou ce qu'il en restera mélangé à mes dessins et à mes plans. Certaines de mes maquettes, quoique j'en doute, auront été achetées par quelques musées pour leur valeur d'étrangeté. Un quelconque antiquaire aura acheté l'immense maquette de ma ville-île. Cooper Creek, Saturday, November 29th. Cooper Creek, samedi 29 novembre. La ville comme une île encore, peut-être au milieu d'une végétation sauvage. La ville était devenue une île. Elle avait largué ses amarres et était venue s'échouer dans les terres de l'intérieur. Autrefois, les grands bateaux passaient les hauts porches qui donnaient accès aux bassins intérieurs. La ville avait été un grand port, grouillant d'hommes, d'embarcations, de marchandises, d'animaux, d'odeurs maritimes, de couleurs, de femmes, de rires, de cris, d'amour, de vol, de viol, de lutte, de douleur, de plaisir, de langueur, de volupté, d'angoisse, de haine, de désir. Le port s'est lentement sablé. L'eau et la vie se sont retirées, comme d'un corps exsangue. Toute végétation a disparu. Les hautes murailles immuables dominant maintenant un immense désert de sable et de monuments arasés. Wednesday, December 3rd. Mercredi 3 décembre. Parfois, marchant dans la rue au milieu de la foule, ou dans le vacarme souterrain du métro, une brève illumination de mon esprit me fait entrevoir la solution, la cohérence finale de toutes ces bribes accumulées. Cooper Creek, Thursday, December 4th. Cooper Creek, jeudi 4 décembre. De la terrasse en haut de l'édifice, la vue s'étend sur toute la ville avec ses masses infinies de murs et d'escaliers entrecroisés, dont la couleur se confond avec celle de la terre. Au-delà des murailles, c'est la terre rouge, le sable rouge, les dunes limitées à l'horizon par les collines. Paysage brûlé par le soleil meurtrier et vide. Le grand vide autour de la cité vide. Il y a, par exemple, un personnage qui nous a fascinés, qui est justement le peu qu'on en connaisse d'ailleurs, ce personnage de Leichhardt, qui est parti dans son expédition insensée dans le désert avec deux compagnons, dont l'un n'avait que 15 ans, deux aborigènes. Il a rêvé de traverser le continent australien et il a disparu, il s'est évanoui dans son propre rêve. C'est aussi l'histoire des gens qui ont essayé de s'enfoncer, de traverser ce continent immense, de traverser le désert, de traverser l'Australie de part en part, parce que c'est comme une espèce de quête impossible, de folie permanente qu'on peut retrouver soit chez le créateur qui cherche toujours une chose que peut-être il n'atteindra jamais. Et donc cet architecte de fragments d'un journal anonyme, c'est pas autre chose que ça, c'est qu'il essaye de construire une ville qu'il n'arrive jamais à construire, dont il n'arrive même pas à tracer les plans, et qui finalement il ne fait qu'imaginer dans sa tête. Friday, December 5th. Vendredi 5 décembre. Il faut toujours chercher le plan du livre, le plan de l'édifice, le plan de la ville. Qu'est-ce qu'un plan au fond, sinon un assemblage de lignes, de signes disposés selon un certain ordre ou un certain désordre, sans aucun intérêt esthétique. Samedi 6 décembre. Ce plan, formé de lourdes plaques de marbre blanc, sera immense. Il aura été très endommagé par le temps. Certaines plaques seront brisées. Les surfaces seront manquantes, disparues ou volontairement arrachées. En d'autres endroits, sera rongé, corrodé et le plan rendu presque illisible. Plan dérisoire qui, avec le temps, sera érodé, arasé. Plan mutilé, renvoyant à une mémoire fragmentaire, éclatée, enfouie. Plan de la mémoire et de l'oubli d'une ville, de toutes les villes oubliées, enfouies sous le sable de la mémoire et de l'utopie des hommes. Plan impossible d'une ville impossible, qui rassemblerait toutes les mémoires et toutes les utopies. Mais peut-être le plan ne sera-t-il pas inscrit dans le marbre qui lui conférerait une permanence impropre au terrain mouvant de l'oubli. Peut-être sera-t-il inscrit dans un matériau périssable soumis à la destruction. Un matériau soumis aux lois de la vie et de la mort de l'amour et de l'abandon. Un matériau ayant très peu de matérialité. Change is the only thing that can remain constant. Time past is a parameter of time present. Present becomes past the moment it is realized. And I was concerned about this for many months. It follows that we can never, in fact, be living in the present. Only in some future that has, as its essential parameters, past and present. Le changement est la seule constante. Le temps passé, un des paramètres du temps présent. Le présent devient passé au moment même où il se réalise. Cela m'a préoccupé pendant des mois. Il s'ensuit donc que nous ne vivons jamais au présent. Mais dans une sorte de futur qui a, comme paramètre essentiel, passé et présent. Traverse un marécage. Les pieds traversent sur la planche. Pieds beauté. Lanterne chinoise. Du rouge quelque part. Les pieds marchent sans avancer. Présent. We are moving forward at the speed of the slowest part. Experience collages with experience. One and one makes one. A two-part accord. On avance à la vitesse du plus lent. Une chose se mixe avec une autre. Un plus un égale un. Accord à deux parties. Freeze the moment. That is the image. The moment you awake from sleep and the first conscious gasp fills your lungs. And you are aware of that moment. Of crossing zones. J'ai l'instant. Voilà l'image. Tu te réveilles du sommeil. La première respiration consciente remplit tes poumons. Tu remarques que tu traverses divers espaces. Traverse un marécage. Les pieds traversent sur la planche. Pieds bottés. Lanterne chinoise. Du rouge quelque part. Les pieds marchent sans avancer. Présent. La marche, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai vu une paire de chaussures à talons aiguilles traverser les pavés devant Beaubourg. Cross the pavé in front of the Pompidou Center a couple of years ago, and I noticed that they... J'ai remarqué qu'ils suivaient le chemin du milieu. There's a track across the middle. And after that, I was in Germany and went for a walk in the Black Forest. Puis en Allemagne, j'ai commencé à faire des randonnées. C'était un souvenir de mon père qui jouait promenade en forêt noire. Horst Jankowski's Walk in the Black Forest on the piano. Au piano. Ça, c'était le début. Ensuite, j'ai marché en Tasmanie. La douleur physique de marcher. Physical pain of walking. The slush trudge up another mountain, down another mountain. Escalader des montagnes. Forever. À n'en plus finir. À une cadence humaine. Landscapes unroll. Les paysages se déroulent. À une vitesse incroyable. Le panorama sonore change vite. And the sound panorama also moving past at quite a speed. Rivière. Sounds of rivers, the sounds of birds. Oiseaux. Sort of spot ambiences that you come across and they fade up and fade away. Ambiance qui monte, qui s'efface. Marcher, walking, not appearing to go, to be going anywhere, sans savoir où l'on va. Walking all day, marcher, à longueur de journée, but yet going quite an incredible distance, traverser des distances immenses. De beaucoup de choses. C'était un essai de fixer le paysage. Trying to again hold the landscape, hold the temporal image constant as represented by the looping and the walking across the boardwalk. That's the endless day, the endless walk. De garder constante l'image temporelle, la boucle des pas sur une planche, comme la journée sans fin. et la marche, sans fin également. Et le désir de geler un paysage. Gèle le paysage. Regarde l'image. Au pied du mur. There's no way you can opt out once you go. You have to see it right through. Impossible de reculer, de ne pas aller jusqu'au bout. Dans cette ville, il y a une multitude, mais vraiment beaucoup, beaucoup de murs. Sunday, December 7th. Dimanche 7 décembre. C'était une ville faite de murs. C'est-à-dire que toute la circulation se faisait à l'intérieur des murs. C'est-à-dire peut-être parce que le désert était trop chaud. Finalement, la ville se présenterait à la fin comme un immense bâtiment en ruine. C'est-à-dire qu'on change d'échelle, au fond. Un bâtiment, par exemple, prenez le plan d'un palais, si on multiplie cette échelle par 100, ce palais devient une ville. Et ce qui était une cour devient une immense place, et l'épaisseur d'un mur peut contenir des immeubles, peut abriter des espaces dans lesquels on peut évoluer, on peut circuler. Et quand on verrait cette ville de très loin, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit d'un bâtiment unique en ruine. Et en s'approchant, on s'aperçoit que c'est une ville de murailles, une ville de murs. Et entre les espaces contenus dans ces murs, on imaginait qu'il y avait, au départ, c'était donc de l'eau, puisque c'était un port, et à la fin, c'est le sable, bien sûr, puisque tout a été ensablé. Monday, December 8th. Lundi 8 décembre. Mardi 9 décembre. Tuesday, December 9th. Dans ma ville du désert, il y aura quelque part un immense mur allant peut-être du théâtre à la nécropole. Ce mur sera gravé ou peint à hauteur d'œil d'une ligne musicale ininterrompue que les musiciens devront déchiffrer en marchant. Au-dessous, un interminable texte gravé déroulera ces images. Peut-être s'agira-t-il de l'histoire de la ville et de sa destruction. Peut-être le mur sera-t-il circulaire, ce qui rendrait la musique et le texte sans fin. Au pied du mur, impossible de reculer, de ne pas aller jusqu'au bout. Jake pulls himself slowly and not without pain to his feet. I watch him, a slight bend forward. Never have I seen such prolonged purpose without aim as I follow his progress across the room, heading for the fresh air. One breath fresh, one choke, seven expel. life resumes the familiar pattern. He should be back soon enough. It starts to get cold quite early. I should join him. A brief attempt. A with B to C for D. C to A without B. Leave A, go to C, return with B, etc. Jake se relève lentement, non sans douleur. Je le regarde. Il se penche légèrement en avant. Je n'ai jamais vu une telle détermination, prolongée et sans but. Je le regarde traverser la pièce, se diriger vers l'air frais. Une, inspirer, frais. Une, s'étouffer. Sept, respirer. La vie reprend son aspect normal. Il va revenir bientôt. Il commence à faire froid, assez tôt. C'est vraiment absurde. Le chat dort, le magnétophone boit son lait. Le haut-parleur de gauche grogne à celui de droite. Et moi j'écoute une histoire d'ours qui mange du miel et ne marche jamais sur les pavés. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tenté de croire qu'il en est ainsi, mais je sais mieux. Je te connais mieux que tu te connais, Jake, mon ami peu généreux. Il faut que tu joues mieux ta comédie, je crois. Jeter la merde. Ensuite parler du désir, de la vie, de la mort, de l'espoir, et des rêves, et des tâches à venir, et des idées, et du chaos, et des images, et des papiers à mouches, Sheltox, suspendus au plafond, recouverts d'un papier gras, taché par les mouches, éclairés par une lumière tout aussi tachetée de mouches, de graisse et de merde, alors que tu écoutes ton haut-parleur de gauche qui crie, et celui de droite qui aboie, alors que la chose la plus importante est de se tenir au chaud. You're a fascist, Jake. That's a laugh. It's true, you bastard. About time you recognized it. Shut your face, I screamed. He was, however, far enough away for my wisdomonic truth to not reach him. Oh well, I thought. Okay, said Jake, okay, leave me alone. T'es un sacré fasciste, Jake. Okay, laisse-moi tranquille, fous le camp. Va-t'en, là d'où tu viens. Je peux pas. Tu ne comprends pas, espèce de salaud ? Je réponds, tout ça ne nous avance pas. Pourquoi ne retire pas le bouchon, il propose. Bonne idée, dis-je. Voilà, je pensais. Ok, alors quoi de neuf ? Qui a peur du grand méchant loup ? Recordings of memories reappear as dreams. Soft focus it. Program on auto. Now a long way away, though still smoking a lot. Jake should be back soon. Traces de souvenirs réapparaissent sous forme de rêves, ajustent doucement l'objectif. Programme automatique, maintenant on est si loin. Fume pas mal toujours, vais prendre une douche et me laver les cheveux. Jake sera bientôt là de retour. Pas trop s'habiller ce soir. Beaucoup de chemin à parcourir cette nuit. Beaucoup, beaucoup à faire. Prends une photo. Prends une photo. Attends la confirmation. Oui, je me sens comme cela. Take a photo. take a photo and wait for the reassurance of the confirmation that yes, I feel like that. I did at that time is one thing I know. C'était vrai à l'époque. That my intention subverts the invented purpose is another. C'est la seule chose que je sache. Document the states of comfort. Discomfort. Dismiss. I can sleep. Je peux dormir. I can work. Je peux travailler. I can be like I was at any of those moments, the memory space between, or even join for a moment. Such are the technological possibilities. Je peux être n'importe quel de ces moments où la mémoire atterrit. Telles sont les possibilités technologiques. As it is, this is not much different from that. À vrai dire, ceci n'est pas très différent de cela. Rock. Rocher. Rock. Rocher. Rock. Rock. Rocher. Rock. Rock bounce. Rock. Rock bounce. Rebondir. Rock bounce. Rebondir. Rock bounce. Rebondir. Rock bounce. Rebondir. Bounce. Rock bounce. Bounce. Rock bounce. Bounce. Rock bounce. Rocher. Rock bounce. Rebondir. Freeze a temporal landscape. Essaie de geler un paysage. Rock bounce. Rock. Rock. To try and capture it as a picture is not quite there, but that's perhaps the closest that I can describe it. D'en faire une image peut-être. To take a moment of time. Prendre un instant. And to let that moment be all things. Et laisser cet instant être tout. Let one instant have past, present, future parameters all contained within that single moment. Passé, présent et avenir. Le moment est la base conceptuelle de tout mon travail. There's a thunderstorm, which I recorded while I was thinking about Paris. Il y a un orage enregistré alors que je pensais à Paris. Et puis d'autres choses encore. There's other overlays. Walking at a friend's place where I was living in Tasmania. En Tasmanie, je marche. Walking down to the chicken coop. Je marche vers le poulailler. With the microphone open. Le micro branché. Clarinet playing, which was preparation for a performance piece that I did here. Ensuite, la clarinette. The jack. Tick. Tick. Largely a stream of consciousness relationship between events. Tick. C'est une sorte de monologue intérieur au niveau des événements. Tick. Il faisait chaud avant l'orage. Une idée en amène une autre. Mémoire enregistrée. Mixage en direct. Il faisait chaud avant l'orage. It had been quite warm before the storm broke. Now, as I recall it, and the rain was what the farmers need. Il faisait chaud avant l'orage, si je m'en souviens bien. My thoughts, however, were far away, flying. Pour s'allonger, if I remember correctly. It was, however, a long time ago and even further distanced by the unwilling, unlikely that it will ever happen again. I hope not for my part. Et la pluie, les fermiers en avaient besoin. Mes pensées étaient parties au loin. pour s'allonger contre toi. C'était pourtant il y a longtemps. Distancié davantage par le peu de probabilité et le manque de volonté que cela se reproduise. J'espère que non pour ma part. Visage. Tic. Tic. Photo. Tic. Découpé. Tic. Tic. Front. Tic. Yeux. Tic. Lunettes. Tic. Tic. Bouche. Tic. Tic. Un autre visage. Tic. Tic. Le même. Des visages, son visage passé. Tic, tic, tic, tic. The face tic, is a tic, Polaroid composite tic, taken over a period of tic, 14 months. Tic, un visage, tic, collage de photos d'identité pris tic, sur 14 mois. As a visual image superimposed tic, with tic, my own tic, inspection tic, of this tic, tic, document of this period of time. Tic. Une autre image de moi tic, examine le document temporel. So, tic, tic, a past consciousness tic, and a present consciousness. Une conscience tic, passée, une conscience présente. Tic, inspecting each other. Tic, se regarde. Tic, and also, tic, tic, inspecting tic, a viewing audience. Tic, regarde en même temps tic, le public. Le visage. Tic. A self-image. Tic. An inspection. L'image de moi-même. Tic. Le regard dirigé sur moi-même. Tic. Tic. Comment je me sens. Tic. Comment je suis. Tic. Tic. Fou. Tic. Fatigué. Tic. Tu. Tic. C'est. Tic. Ce. Tic. Que je. Tic. Tic. Tic. Voulais. Ce tic n'est tic pas tic, le tic même tic que tic tu tic tic pensais tic par tic bientôt tic et tic si tic je tic tic te tic vois tic avant tic tic cela. Je tic, voudrais tic, te souhaiter tic, bien tic, tic, des tic, choses tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. C'est aussi un regard tic, dirigé sur le visage que je portais. A face I was wearing while tic, recording or being in the field. Le jour où je faisais l'enregistrement. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Again, it's time. Tic. Tic. Time to go again. Time it takes to heal. If you have a minute. Encore une fois, il est temps. Temps de partir de nouveau. Le temps qu'il faut pour guérir. Si tu as une seconde. Emotion tick. Tired tick. Happy tick. Heureux. Relax tick. Détendu. Nervous tick. Sad. Triste. Tic. Friendly, tic. Hungry, tic. Faim, ache, tic. Sore, tic. Douleur, speak, tic. Parle, or, tic. Do, tic. You, tic. Tu, still, tic. A, feel, tic. Toujours, the, tic. Language, tic. Langage, to, tic. be foreign. Étranger. Crazy, fou, weary, fatigué, you, tu, know, sais, what, ce, I, que je, really, wanted, voulais, this, ce, it's, n'est, not, pas, the, le, same, même, as, que, you, tu, thought, pensais, going, par soon, bientôt, and, et, if, si, I, je, see, te, you, vois, before, avant, that, cela, I, je, would, voudrais, like, to, wish, de souhaiter, you, all, bien, the, des, very, best chose. Et c'est le dernier visage visuel que j'aurais envie de montrer pendant un moment. I'm not sure what I'll replace it with. Je le remplacerai par je ne sais quoi. Certainly. Not a mask. Ni un masque. Not an installation. Ni une installation vidéo. I'm a bit sick of my face. J'en ai marre de mon visage en ce moment. Too many photos. Trop de photos. Trop de photos. So, now do you feel better? Et maintenant, est-ce que tu te sens mieux? You deserve a short rest from it all after that. But watch where such little earned privilege will lead you. Try to avoid being so restless. Tu mérites un peu de repos après tout ça. Mais gare au privilège. Essaie de te tenir tranquille. Attrape au passage ce qui te plaît. Maintiens ta solitude. Un peu de contact sera sans doute nécessaire. Et pour ton bien, just grab a passing bite at something tempting and maintain your solitude. Some contact will no doubt be necessary and certainly to your advantage. Of that I have no doubt at all. De ça je suis sûr. Tread softly, all the same. Va doucement, quand même. Thank you. Thursday, December 11th. Jeudi, 11 décembre. Peu à peu, mon plan se précise et s'articule. Friday, December 12th. Vendredi 12 décembre. Saturday, December 13th. Samedi 13 décembre. Accumuler les notes, accumuler les plans, comme des strates anarchiques, bouleversées au cours des temps. Peut-être un jour, quelqu'un entreprendra-t-il les fouilles de ce chaos. Sunday the 14th. Dimanche 14. Je reprends aujourd'hui la préface anticipée de l'édition posthume de mon journal, recueillie par les soins d'un inconnu, interrompue hier par une visite imprévue. L'inconnu, je voudrais que ce soit une femme, continue. Voici l'image qu'avait laissée cet homme qui se voulait solitaire et dont personne n'avait réussi à pénétrer l'intimité. Wednesday the 17th. Mercredi 17. Je n'ai pas eu hier le temps d'écrire, mes activités ordinaires m'ont absorbé. Je voudrais atteindre de plus en plus des états poétiques, presque métaphysiques, des espaces où l'on pénètre, à travers lesquels on circule, seul avec soi-même. Et en même temps que l'on se trouve à l'intérieur de ces espaces, contenu par eux, on a conscience que ces espaces sont une représentation métaphorique d'espaces contenus en nous-mêmes, dans ce que nous avons coutume de nommer notre intériorité. Just don't come running to me when you find I'm gone. I think you're losing your mind. If I don't tell you, who will? Let me introduce myself once again. Pleased to meet you. Okay. Okay, Jack, serpent, toi, okay, va t'aérer le soir dans le rêve enfumé. Okay? Ok, Jake, serpent, toi, ok, va t'aérer le soir dans le rêve enfumé, mais ne viens pas me chercher quand tu découvres que je ne suis plus là. Je pense que tu perds la tête. Et si ce n'est pas moi qui le dis, qui d'autre le fera? Laisse-moi me présenter encore une fois, ravi de faire ta connaissance. Hier soir, j'ai fait un voyage sur un bateau à voile, dans une bouteille que j'ai trouvée jetée sur la plage des grandes eaux de la mer. Arrête-moi. Si je commence à faire de la poésie, Jake. Mais parfois, je trouve que c'est comme ça que je m'exprime le mieux. Et comme tu sais, nous avons beaucoup de chemin à faire cette nuit. En traversant les eaux sombres, je me suis trouvé dans le tombeau de mes désirs, amoureusement doré de bois sauvage. J'aurais dû t'emmener avec moi. Mais à vrai dire, je pensais que tu étais là. C'était plus tard que j'ai constaté que tu étais toujours là-bas, au jardin. Tu étais bien là, n'est-ce pas ? Il me semble que je perds un peu le fil, mais rapidement, il est temps que tu améliores ton jeu, Jake. C'est à peu près tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Je vais te faire remonter un peu le temps. Je vais te montrer ce que j'ai. Ok? Sailing ship into a bottle that I found washed up on the beach of the Fred would want to stop me if I start to get... Friday 19. Vendredi 19. Extrait de la postface de la première édition de la correspondance d'un architecte inconnu par... Tandis qu'il compose ce personnage et cette œuvre future, le personnage présent et son travail quotidien s'infiltrent dans cette fiction de lui-même. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un journal. Il s'agirait plutôt de lettres écrites presque quotidiennement à une inconnue. Amie, confidente, ancienne maîtresse peut-être. Ou peut-être encore ces lettres sont-elles destinées à un personnage lui aussi fictionnel, à un correspondant qu'il s'invente. Pour ma part, je serais prêt à soutenir l'hypothèse suivante. En réalité, X s'écrivait à lui-même chaque jour. Saturday 20th. Samedi 20. Avait-il besoin de cette mise en scène compliquée pour parler de lui-même, pour se parler à lui-même? Monday 22nd. Lundi 22. Ça me fait peur d'être seul avec toi, maintenant que je te connais, beaucoup mieux. Ça m'a pris du temps, j'aurais pu m'en passer. J'ai dû te dénicher quelque part à l'est de Tombouctou, maintenant que j'y pense. En réalité, je te connaissais depuis fort longtemps. En grandissant, tu es devenu tout à fait pervers. Salut, à plus tard. You've grown up to be quite perverse. I'll see you later. Clarinette. La clarinette. The clarinet, the... Image of the clarinet is a simultaneous image of left and right hand working together. Image de la main gauche et de la main droite. Two parts to make the whole. Deux parties pour faire un tout. Clarinette coupée en diagonale. Main gauche. Main droite. The main thing was that I was searching for something. J'étais à la recherche de quelque chose d'australien. Australian. Les aborigènes plaçaient des joueurs de didgeridoo à une extrémité du camp. And they would maintain a drone through the night. Ils jouaient une même note pendant la nuit. I guess taking shifts or playing for a long time. Quand la note cessait, c'était un signe de danger. And the tribe would wake. La tribu se réveillait. Je me sentais déplacé dans l'Australie blanche. As a white Australian, there was something. Il y avait dans ce pays d'autres gens, avec une culture directement liée au lieu. The same, it was virtually unchanged. Cela a influencé ma façon de jouer de la clarinette qui produit un même son. Without change, just one sound and then... Que tu reprends toujours de la même façon. C'est une idée que j'aime bien. La respiration devient chant ou note longuement tenue. Tenir une certaine quantité d'air dans les joues. You hold a certain amount of air in your cheeks. Expulser l'air. And expel that air while sucking in through the nose. Tout en respirant par le nez. Thereby maintaining a continuous breath. Maintenir ainsi une respiration continue. It's possible to lose a sense of time to actually meditate, I guess. On perd le sens du temps. On médite. C'était le même endroit. Tuesday. Mardi. Ce n'était pas le même endroit. Je voudrais réunir dans ma ville le plus grand nombre possible de figures géométriques de base. Lignes, cercles, carrés, triangles et leurs conséquences spatiales. Plans, cubes, sphères, pyramides. Lignes, cercles, carrés, triangles, plans, cubes, sphères, pyramides. Tout ce que j'appelle pour moi-même Lost Archetypes. C'était le même endroit. Ce n'était pas le même endroit. It was the same place as the one before. Même endroit. Before all those things. Avant. Now the span of my days is rising vertically, shattered like that frozen river I ran with. Mes jours. Looking for its rhythm while passing through its landscape, a landscape filled with a dynamic range of experiential possibilities, all at the one moment if you want and will allow. Vertical. Which I often did and even sought more often. Fracassé. Down to in the corner the bubble-nosed radiance that I knew one time within the grip of grief more total than the imminence of one's own death. Nébule. That is when it is in another. I fade to die a thousand times now that the restrainer is no longer guarded by anything I want to recognize. All oui. Things can go where they want. Surely the actions of others are taken with the same responsibility that I accept them with pleasure, and even a sense of need for which I can offer no apology. Mille fois. I sought your charms and sought your arms, or more, recognized the possibility immediately I recognized you. But then such things are difficult when away from home. Séduit par tes charmes. Être. Dans tes bras. It is the instinct homing. Chez soi. That gives me the sense of location, establishing a reference. Une référence. To be away from it, now that I know it better. No fault. Just a more curious yearning towards no need of it. Étrange. En te connaissant, je me connais. Feeling you as I feel me. Later with more, I am invincible to that which earlier caused me to check my motives and the well-known action that could result. Take me. Me. Me. Take me. Me. Take me. Take me. Me. Take me. Take me. Free. Free. Take me. Take me. Me. Take me. I'm not free. Free. Free. I'm not free. Take me. Me. Me. I'm not free. Free. Free. Take me. me. The didgeridoo. Le didgeridoo est le son dominant. Which is the prominent sound. Is a tape manipulation of a recording. L'enregistrement a été fait dans un puits en Turquie. Une très belle chambre acoustique. It was just an extraordinarily beautiful acoustic chamber to play in. And I seek such places wherever I go and find great delight in them. À l'époque, je faisais un voyage avec des amis. I was traveling on a boat with about 10 other people, and all of us were musicians, and we spent a day in there playing to each other and giving each other concerts, singers and flute players. On a passé une journée dans ce puits à se faire des concerts, à chanter, à jouer de la flûte. And I had the didgeridoo. Et moi, j'avais le didgeridoo. I tend to explore the didgeridoo as an acoustic chamber. J'explore le didgeridoo comme une chambre acoustique. Après, j'ai commencé à travailler mon enregistrement du didgeridoo. Je l'ai transposé par octave. Octave displacements and then put them all together in a left, right, center mix. Et je l'ai mixé gauche, droite, centre. Me, I'm not free, free, free. Take me, me, take me. Et puis, il y a l'enregistrement du tambour. I found in a small village also in Turkey. It was during Ramadan, month of fasting for the Muslims. Un joueur de tambour traverse le village à 2 heures du matin pour réveiller tout le monde. Il rentre dans un café où les infidèles sont en train de boire. Carrying on, he walked right into the middle of the cafe, the music going, and him beating his drum. Et tout le monde se met à frapper dans les mains, à taper du pied. Il s'arrête une seconde, regarde autour de lui, puis crac, bang, back onto his drum. Il recommence à battre sur son tambour pour imposer un peu de religion à cette hérésie. Le son de ce tambour, the om of the drum, the resonance of the drum, m'a fait penser au didgeridoo. It's a very singular centered sound. And la respiration du didgeridoo est aussi un son bien centré. Lui, plus hanté que moi, partage l'instant. I say hello and tear his brain apart. Je te battrai, tu sais. I don't care for his presence at the table, and I feel like spitting my cognac over his white scarf. Je dis bonjour. Hyperactive, he eats, and the smell of his egg is like coming out in the morning and finding your favorite turkey has been taken by a fox. I lost 10 chickens in one night of instinctive carnage and had taken great pains to protect the turkey hen from the same fate during the period she was sitting. Le matin où tu as découvert ta dinde. Each time she rejected my protection. Prise par un renard. Each time I insisted until the last one I said, okay. Okay. And then, the morning after the second night, I had only feathers to remember her by, sad for me, but ultimate for her. Triste pour moi. I have since been wary of such cultural interfaces. Mais inévitable pour elle. Choke him with smoke. Étouffe-le. Écran de fumée. Like the art of pretending you can have a meal on bread and coffee. You know, the big bowl, fill it with bread and consume it with the oral enthusiasm of a long-drawn historical sigh at the moment of orgasm. Ce n'était pas le même endroit que celui d'avant, c'était le même endroit que celui d'avant, avant tout ça. Maintenant, l'étendue de mes joues est verticale, fracassée comme la rivière gelée que je suivais à la recherche de son rythme, traversant un paysage rempli de possibles, tous, en même temps, si tu veux et si tu le permets, que j'ai souvent voulu et cherché encore plus souvent, jusqu'à ce que, au coin, un nez en forme de bulle étincelante que j'ai connu un jour, que j'étais aux prises avec une douleur plus entière que celle de l'idée de la mort, alors que ça appartient à quelqu'un d'autre, j'ai failli mourir mille fois, alors que rien ne l'empêche plus à ce que je vois. J'étais séduit par tes charmes, j'ai voulu être dans tes bras, ou plutôt ça m'a sauté aux yeux dès que je t'ai vu. Mais tout cela est difficile lorsqu'on n'est pas chez soi. Le sens de chez soi, cela me donne un lieu, une référence. En être loin maintenant que je connais mieux ça, il n'y a pas de doute, m'inspire le désir encore plus étrange de ne plus en avoir besoin. En te connaissant tel que je me connais, je suis devenu imperméable à ce qui tout à l'heure m'a fait vérifier mes mobiles et ce qui peut en résulter. Prends-moi, moi, moi, moi, je ne suis pas libre, libre, libre, prends-moi, prends-moi. Maintenant que l'image devient vérité, avant de s'évanouir dans cette autre vérité dont les machines seules sont capables, ça dépend de la structure sans laquelle, c'est-à-dire la structure, je suis libéré de la critique. Cette même structure pourrait ne pourrait pas convenir. Ceci devient évident s'il y a le temps d'explorer tout ça. Voilà mon problème, je goûte, c'est toujours bon. Tu as dit quelque chose de très bien dans la sorte de tes bras technologiques, mon corps technologique, en me pressant contre ton sein vierge. Et un secret, une fois tu n'étais pas toi-même, sois rassuré par ton image en dépit de ce que je viens de dire. Elle a toujours été là, puis le volet jeune, mais rassure-toi, tout ceci sera bientôt derrière toi. Tu seras de nouveau dans l'air frais de ta campagne, tes jours rougis par le vent, et quand ce sera fini, tu pourras te servir de ces clichés la prochaine fois que tu montreras fièrement ton jardin d'été. Ce sera ta contribution à la soirée diapo familiale. Elle voulait vivre l'expérience commune, je l'ai cru et je l'ai aimée pour une autre raison, pas très différente. Elle manquait de liberté, comme quelqu'un qui a eu des responsabilités trop tôt. Ça reste avec vous, quoi qu'on fasse, ça m'a sans doute sauvé d'actions plus violentes que ta froideur envers moi. Pardonne-moi, je sais ce que je fais, mais je n'aimerais pas que ça m'arrive à moi. Donc fais-le, trouve-le, fais-le, trouve-le, fais-le, trouve-le, fais-le, trouve-le. Et tu survivras à peine dangereusement, né en forme de bulle. Tes mêmes cheveux chagrinés, toujours tu souris, toujours violent. Je t'ai connu dans ta mini-jupe, puis résigné. Je me suis retiré au bout du bar afin de me faire du cinéma dans ma tête. Fleur printanière, promesse dans l'hiver gelé. J'ai un nouveau manteau à présent, le style de vie dicte de la saison, c'est la même histoire. Quand il fait chaud ici, il fait froid là-bas et vice versa. Et c'est bien tant qu'on n'attend pas trop longtemps entre deux trains. Lui plus hanté que moi, partage l'instant, je te battrai, tu sais. Je lui dis bonjour, je lui déchire le cerveau, je n'aime pas sa présence à table. Je lui dis bonjour, j'ai envie de recracher mon cognac sur son foulard blanc. Hyperactif, il bouffe l'odeur de l'œuf, te fait le même effet que le matin où tu as découvert que ta dinde préférée avait été prise par un renard. J'ai perdu du poussin dans une seule nuit de massacre. Je m'étais donné beaucoup de mal pour protéger la dinde du même sort pendant qu'elle couvait à chaque fois. Elle refusait ma protection à chaque fois. J'ai insisté jusqu'à la dernière fois quand j'ai dit ok. Et le lendemain de la deuxième nuit, je n'avais que des plumes pour me la rappeler. Triste pour moi, mais inévitable pour elle. Depuis, j'ai pris soin d'éviter de tels revers culturels. Étouffe-le, écran de fumée, ça rappelle l'art de faire tout un festin de pain et de café. Tu vois un peu un grand bol rempli de pain et consommé avec le même enthousiasme moral que le soupir historique émis au moment de l'orgasme. Cher qui que tu sois, la dernière fois que je t'ai vu, envoie-moi de l'argent s'il te plaît, sinon pourquoi pas. Tu n'es pas très différent du toi que je connaissais alors, en te remerciant d'avance de ta réponse généreuse et affirmative. Meilleure salutation, tu connais l'histoire du pays des aveugles ou le bordien roi. De toute façon, je vais t'envoyer un manuscrit. Eric se rappelle le massacre du poulailler, il entend la porte claquer deux fois par jour. Quand on donne le grain deux fois par jour, c'est-à-dire les jours où je me suis réveillé et où je rentre avant la tombée de la nuit. As-tu jamais traversé la mer en Irlande et vu les dindonneaux pendus, sanglants, le tout mis en musique, bien sûr, tu dois supposer. Et puis quoi, et puis ça, et puis quoi, et puis ça, et puis quoi, et puis ça, et puis quoi, et puis ça, et puis quoi, et puis ça, et puis quoi, et puis ça, et puis. Dear, whoever you were when I last knew you, cher qui que tu sois, please send money. Envoie-moi de l'argent. If not, why not? Sinon, pourquoi pas? You are not so different from you, I now know. In anticipation of a generous and affirmative response, yours sincerely, with kind regards. Meilleure salutation. You know that stuff about in the land of the blind, the one-eyed man is king? Tu connais l'histoire du pays des aveugles où le borgne est roi? Anyway, I'll send you the manuscript. Eric se rappelle le massacre du poulailler. Eric recalls the chicken coop carnage as he hears the door slam for the wheat run. Twice a day, when I woke, and if I got home before dark. Have you ever been across the sea to Ireland and seen the turkeys hanging in a row? As-tu jamais traversé la mer en Irlande? All set to music, of course. You must assume. Et vu les dindonneaux pendus, sanglants. So what? Et puis quoi? So be it. Et puis ça. So what? Et puis quoi? Et puis ça. Et puis quoi? Et puis ça. Et puis quoi? Et puis ça. So what? So be it. So what? So what? So be it. So what? So what? So be it. So what? So what? Wednesday. Mercredi. So what? So be it. Friday. Vendredi. So what? So be it. Je dois absolument m'attaquer maintenant à un plan véritable. Il me faut une carte, sans quoi je risque de me perdre dans mes propres visions. Je vois cette ville, mais lorsque je veux y pénétrer, elle s'éloigne, de sorte que j'ai l'impression de marcher sur place, puis encore, elle s'efface de l'horizon, comme un mirage dans le désert provoqué par la soif. Saturday. Samedi. Monday. Lundi. So what? So be it. So be it. So what? Partout où on fouille le sol sur l'emplacement de l'ancienne cité, on trouve des marbres, des tombeaux, des urnes. Dernièrement, on a retrouvé la base d'une colonne de proportions gigantesques. L'énorme socle semblait avoir vacillé lentement sur ses bases. So what? So be it. So what? So be it. So what? Les fouilles de ma ville du désert dans un futur très improbable. Ces fouilles anticipées sont dues à un homme qui peut-être aurait lu l'un des rares exemplaires épargnés de fragments d'un journal anonyme. Découvert au fichier des auteurs anonymes. Découvert au fichier des auteurs anonymes au chapitre désert, dans cette bibliothèque circulaire que j'ai déjà décrite. Quelques bribes du récit de son voyage futur me viennent à l'esprit. Peut-être a-t-il découvert la ville en survolant le grand désert rouge, où elle fut construite et où elle mourut enlisée dans les sables. So what? So be it. So what? So be it. So what? So be it. So be it. Gelé le paysage, figé le temps. Jeudi 31 mars. Thursday, March 31st. Cher A, vous savez que depuis longtemps, j'ai l'idée de ce film sur cette ancienne expédition disparue dans le désert de... Je vous parlais alors de mon ancien voyage en Australie pour faire ce film sur les aborigènes que je vous ai projeté à Harvard. Je vous disais combien j'aimais ce pays immense, encore en partie inexploré. Vous connaissez mon goût pour les entreprises solitaires. Vous n'avez pas été étonné de ma fascination pour Friedrich Wilhelm Ludwig L. Ludwig Leichhardt. Et son expédition insensée. Le fait d'ailleurs que cette expédition ait disparu sans laisser de traces permettait toutes les espérances fictionnelles. Je pensais alors à ce film futur comme une sorte de rêve dont quelques images s'introduisaient déjà dans mon regard, images décousues, sans suite, vision du désert et de cet homme solitaire à la frontière du néant. Les documents consultés à la bibliothèque m'avaient appris que l'expédition se composait de quelques hommes, dont l'un n'avait que 15 ans, mal équipé, et de deux indigènes qui leur servaient de guide. Vous ne connaissez pas ce pays, mais je puis vous dire que les paysages ici dépassent en solitude et en étrangeté tout ce que vous avez pu voir en Afrique ou en Amérique. Le désert qui nous intéresse est entièrement d'un rouge intense, à perte de vue. Et je n'ai plus devant les yeux que cette immensité vide, que cet air brûlant qui monte du sol. Tout est prêt maintenant. Comment veux-tu que je fasse face à toutes ces demandes? Je ne peux plus le supporter, ça me rend malade. Nous devons, chacun, trouver la bonne direction. Moi, par exemple, j'aimerais bien connaître les gens que tu connaissais avant que je t'aie traîné dans la boue. Merde. Tu penses que tu sais vraiment de quoi tu parles? Je suis maintenant dans la quatrième dimension et j'ai enfin chaud. La balance est bonne. Voilà ce qui compte. De bon niveau, partout. Éloigne-toi. Éloigne-toi vers une histoire d'amour populaire, filtrée par les rêves d'un autre moment. Passe à côté. Trébuche à côté. Vrai? Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Passe à côté, trébuche à côté, vrai, pas vrai, pas vrai, pas vrai. On connaît cette histoire déjà, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On connaît cette histoire déjà, non? Je serai content quand le drapeau descendra. Retire le bouchon, pour ainsi dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Corps maigre dans la lumière blanche. Pas beaucoup de temps pour l'histoire de sa vie. Pas beaucoup de temps pour raconter sa vie. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. The main recording is actually of the body, physical body. Son du corps. Place contact mics. Micro contact. On my joints. Placé sur les articulations. Over a period of time, rose from the floor, from a. Je me lève. A fetal position on the floor. Depuis la position fœtale. Fully upright. And the other sound was the sound of. The sea. Puis succion de la mer. Sucking in underneath a tessellated rock shelf. Sous un plateau de rocher. Takes on a character of a breathing almost at times. And hallucinate voices within it. Rappelant parfois la respiration. Very human sort of sound. Des voix humaines. Ensuite. Le temps. Just comes through as a sort of hint. Suggestion. It was an afternoon in a clock shop. Un après-midi chez un marchand de pendules. An antique clock shop. And we managed to wind up pretty well every one of the clocks that was there. Les remonter. Set them all going. Randomly. Au hasard. Chiming and cuckooing and squeaking. Les laisser sonner. N'importe quoi, marquant une durée. Tick. C'est un tic. That's a tick. Une seconde. It's a second. Tick. Something that was important to me recently, I heard from the Aboriginal people. Une chose que les aborigènes m'ont apprise. They were talking about time. La durée d'une seconde, d'un instant. Ils disaient. Tick. The time it takes to boil the water. Tick. C'est le temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau. Ça, c'est un tic. Tic. That's a tic. That's tic. A moment. That's a... Tic. Une seconde. Tic. Une division équivalente. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. C'est lié à l'idée de transcender la pensée tic. Dans la respiration circulaire. Tic. À l'idée de tick. Perdre la notion du temps. Tick. With the Indian musicians. Tick. Un peu comme dans certaines musiques indiennes. Tick. Southern Indian musicians. Du tick. Sud. La musique se lève. Tick. Rises vertically, straight up, just freezes, holds there. Tick. Se gèle, reste suspendu. Comme dans une transe. trance-like. Puis elle descend, continue. And it's only when it releases that you feel that you know, time is back to something else that's within you rather than something outside your own internal clock. Tu sens que ton propre temps t'est rendu. Gèle le paysage. Regarde l'image. Eau bouillie. Tic. Photo prise. Tic. Temps. Tic. Not much time for a life story. Pas beaucoup de temps pour l'histoire de sa vie. I went there 2 years ago and made some excuse about not recognizing the tremors in my fingers as being cold. Having seasonal jet lag, had slept late, and so on. J'ai dit que c'était le froid. le décalage entre les saisons. Qui faisait trembler mes doigts. J'avais dormi tard. I felt no need to apologize. It was a short life and therefore little to tell that day. For the waking time, anyway. Je n'éprouvais pas le besoin de m'excuser. C'était une vie brève. Donc peu de choses à dire. There was some virtue in it. Une chose était sûre. Always steal a bit when faced with old buildings. Il faut toujours se faire un peu voleur devant de vieux monuments. I think we should start again with each moment, and if not, well, as with all things, it's up to the majority will. The body politic. Je pense qu'il faudrait recommencer à chaque instant. Sinon, eh bien, de même que pour tout le reste, cela dépend de la majorité, du corps politique. To go to bed with the wine in my head, if they let me, and looks like they will. Je veux me coucher du vin dans la tête, si on me le permet, et j'ai l'impression que oui. Still a little distanced from the heart of the matter. Toujours à une certaine distance du cœur de l'affaire. Not necessarily mentally. Pas forcément intellectuellement. Rarely that, in fact. Rarement, en fait. It's up to me. Cela dépend de moi. But I do look forward to traveling first class. Je sais, mais j'espère bien voyager en première classe. And preferably in your warm embrace. Et de préférence dans tes bras. Friday. Vendredi. Si, repensant à ce que je disais l'autre jour, l'avenir ne devait épargner qu'une seule de mes œuvres, et si je pouvais en décider... I have always been reluctant to take that kind of responsibility upon myself. J'ai toujours hésité à assumer cette responsabilité. Sleep again. So sleep again and sleep again. Dors donc. Dors encore. Et dors encore. Even the image of you, my old friend, is fading from view. Même ton image, mon vieil ami, commence à s'effacer. I start at the top. Je commence en haut. And forget your hair. J'oublie tes cheveux. And then your eyes. Puis tes yeux. And then your nose. Puis ton nez. And then your mouth. Puis ta bouche. And then then it's all over, given the time and distance of it all. Except for your right hook. Et puis tout s'en va, compte tenu du temps et de la distance. Tout, sauf ton crochet du droit. But I really don't want to go back through that whole thing with you. Mais je ne veux vraiment pas revenir là-dessus. Mets-moi en marche et laisse-moi aller. Just turn me on to go and let me run. I'll call if I need. J'appellerai. You're quite elegant. Si nécessaire. And it has even been said you have fine style. Tu es si élégant. On dit même que tu as de la classe. J'oublie. J'oublie tes cheveux. Puis tes yeux. Puis ton nez. Puis ta bouche. Et puis tout s'en va. Tout. Sauf. The Desert. Mot rarement utilisé par les Australiens pour parler de leur propre désert. Ils diraient plutôt le centre, le cœur mort. Le ciel est trop brillant aujourd'hui, l'air trop vif derrière les fenêtres ovales de la bibliothèque. Le monde extérieur m'est trop présent. Trop présent. Je suis quelquefois angoissée à l'idée que je suis peut-être en train de passer complètement à côté du réel, d'ignorer volontairement une vie qui m'est offerte et qui m'entoure quotidiennement en faveur d'une fiction improbable qui ne verra peut-être jamais le jour. Dois-je payer d'un tel prix une chimère ? Mais est-ce vraiment une chimère ? Ne peut-on croire à l'existence de certaines œuvres, de certains textes, de certaines architectures mentales